La rumeur qui sortait de ces ombres amères ressemblait au bruit sourd que les grands arbres font. Et devant la clarté qui flamboyait au fond, joignant leurs mains, tordant leurs bras, ils s'arrêtèrent. Et comme tout sortait de la fosse, ils ôtèrent la terre de leur bouche et crièrent « Seigneur !» À ce grand mot, qui dit gloire, amour et bonheur, l'abîme qui n'a plus, sous la verge inflexible, le droit de prononcer ce nom inaccessible, poussa dans la nuit triste un long gémissement.